بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Nous allons donc aujourd'hui prendre l'explication du hadith, du 13e hadith, الثالث عشر, toujours dans le commentaire de notre cheikh Yahya ibn Ali Hajouri, حفظه الله تعالى. Donc il commence en disant: قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والحديث متفق عليه. Donc selon Abu Hamza, Anas, radiallahu anhu, car sa cunia c'est Abu Hamza, que le prophète sallallahu alayhi wa sahbihi wa sallam a dit: aucun d'entre vous ne croira une fois complète. Normalement c'est ne croira, mais on rajoute pour le sens réel du hadith, c'est ne croira vraiment tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Ou le hadith muttafaqun alayhi, comme nous l'avons dit. J'aimerais commencer d'abord par ce qu'a cité Cheikh Al-Fawzan, Hafizahullah Ta'ala, à propos de Anas. Donc il dit, dans l'explication de ce hadith, dans son charh à lui: Anas ibn Malik Al-Ansari, Khadim al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, li'annahu lamma qadima al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam al-Madinata, haraba Malikun Abu Anas min al-Madina, li'annahu kana yub'idu al-Rasul صلى الله عليه وعلى أهله وسلم فهرب إلى الشام فمات هناك كافرا وكان أناس رضي الله عنه طفلا صغيرا. Donc il dit que Anas ibn Malik al-Ansari était le servant du prophète صلى الله عليه وسلم lorsque celui-ci se rendit à Medina. Malik, qui est le père de Anas, se sauva, hein, prit la fuite d'El Medina car il détestait le prophète صلى الله عليه وسلم. Alors il se sauva au pays du Cham, qui est vers la Syrie, et il mourut là-bas en étant kafir, sur la mécréance, alors que Anas était encore un petit enfant. فجاءت به أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت هذا أنس وأنس يخدمك فتقبله النبي صلى الله عليه وسلم ورباه ودعا له بقوله اللهم أكثر ماله. Donc sa mère, la mère de Anas, qui est Sulaym, hein, la mère de Anas, qui est Sulaym, va au prophète sallallahu alayhi wa sallam avec lui et dit: voici Anas pour te servir, hein, à ton service. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'accepta et l'éduqua et l'invoqua pour lui en disant: ô Allah, multiplie ses biens et ses enfants et bénis dans ce que tu lui as donné. D'ailleurs, il a été rapporté que Anas, radiallahu anhu, a eu une centaine d'enfants, voire plus. Hein, il a été rapporté de lui, de source authentique, qu'il avait une centaine d'enfants. Ce qui prouve que la vocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été exaucée pour lui. وصار يخدم النبي صلى الله عليه وسلم خدمه عشر سنين من حين قدم المدينة إلى أن توفي وحاز بذلك فضيلة عظيمة وتربى على يد الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا من حسن تصرف أمه رضي الله عنها. Donc il se mit au service du prophète صلى الله عليه وسلم et cela durant une durée de 10 ans. À partir du moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Al-Medina. Donc Anas, c'est un Ansari. Il fait partie des Ansars. D'accord? Des gens, des premiers habitants d'Al-Medina. Ce n'était pas un Muhajir. Et il put obtenir par cela un grand mérite. Un excellent mérite. Car il fut éduqué. Hein, il prit de l'éducation directe du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et cela, par la bonne initiative et le bon comportement dont fut preuve sa mère. Dont fut preuve sa mère en le donnant au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Donc notre shir, lui, rentre en disant à propos de ce hadith. وأورده النووي رحمه الله تعالى في هذا الموضوع بترتيب طيب كما يلاحظ من الأدلة الماضية ثم أتى بهذا الحديث فيما يتعلق بمحبة الأخ لأخي ومحبة الخيل المسلمين. Donc il dit que النووي رحمه الله تعالى mis dans ce sujet le hadith après avoir suivi un classement minutieux comme on le remarque parmi les preuves précédentes. Donc ensuite, il poursuivit par ce hadith qui est lié à l'amour d'un frère pour son frère. Et où l'amour pour le bien pour les muslimines. L'amour du bien pour les muslimines. وَجَعَدْ زِيَادَةٌ مِنَ الْخَيْرِ وَيَا فِي خَارِجْ الصَّحِيحِ وَهَذَا اللَّفْظُ الْمُوجُودُ فِي الصَّحِحَيْنِ يُغْنِي عَنْهُ فإن الإنسان عادة يحب لنفسه الخير وما يحب لنفسه الشر ولا يحب لنفسه النار ولا يحب لنفسه الأذى والفتن ولهذا فإنه لا يكتمل إيمان أحد من المسلمين حتى يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من خير الدنيا والآخرة. Donc il dit, il y a une autre version dans laquelle est venu l'ajout min khayr, c'est-à-dire qu'il aime pour son frère comme bien, hein, comme bien. L'ajout c'est min khayr, comme bien. Et cet ajout est dans les versions rapportées autres que dans le sahih, autres que dans le sahih Bukhari ou le Muslim. Et ce mot, c'est-à-dire là ce hadith que nous avons pris à la base présent dans le sahihain, hein, lui fait que l'on se passe de cet ajout. Le hadith en lui-même est complet, fait que l'on se passe de cet ajout qui est min al-khayr. Car la personne, il est clair que la personne aime habituellement pour elle-même le bien. Il est clair que chaque personne aime pour lui le bien. Telle est l'habitude chez la coutume, hein, l'origine chez les individus, qu'ils aiment pour eux-mêmes le bien. Et qu'ils n'aiment pas pour lui-même le mal, qu'ils n'aiment pas pour lui le feu, ni qu'ils n'aiment les problèmes et les troubles. Alors, par cela, aucun iman de musulman ne se complète tant qu'il n'aime pas, n'est complet et parfait, tant qu'il n'aime pas pour son frère musulman ce qu'il aime pour lui-même, comme bien dans ce bas monde et dans l'au-delà. Wal khayru huna a'am min an yu'sa bi khayr ad-dunya aw yukhass bi khayr ad-dunya wal akhirah. Falladhi يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله إيمانه ضعيف بالنص هذا الحديث لا يؤمن أحدكم أي لا يكتمل إيمانه. Donc il dit, que l'iman est celui qui jalouse les gens pour ce que Allah leur a donné comme mérite, comme bien, lui, sa foi est faible. D'accord, sa foi est faible. Il faut bien comprendre quand il dit فَالَّذِي يَحْسُدُ النَّاسِ الْحَسَد. Le hasad, car en langue française, on va le traduire par la jalousie. Ça peut tourner entre l'envie et la jalousie. Mais là, le hasad, lorsqu'on parle de hasad, à la base, c'est le fait de ne pas vouloir le bien pour les autres. C'est-à-dire, quelqu'un, il a un bien, toi, tu souhaites que ce bien, hein, s'estompe pour lui, qu'il cesse. Tu veux être le seul à avoir cette chose-là pour toi-même. Et si quelqu'un d'autre l'a, tu le jalouses, donc tu veux que cela lui soit retiré. Et également, il y a la ghayra. La ghayra, qui est une autre jalousie, qui est une jalousie qui, elle, est louable. D'ailleurs, elle est parmi les sifat, les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voyez, la ghayra, min sifatillah subhanahu wa ta'ala. Et là, comme cela est venu dans un hadith, que la ghayra d'Allah, c'est que la personne enfreigne ses lois et commette ses interdits. Allah subhanahu wa ta'ala, et telle est la ghayra d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam également avait de la jalousie pour ses familles, pour ses femmes. Donc cette jalousie-là, elle est louable, elle est bonne, elle est même demandée pour l'homme. Car cela fait partie de sa fierté. Hein, qu'il préserve ses familles, son honneur, ses femmes, ses enfants, ainsi de suite. qu'il soit jaloux. Donc là, le mot hasad, c'est blâmable. C'est le fait de vouloir que cesse le bien pour les autres et que tu sois le seul à l'obtenir. Donc il dit que celui qui a ressent cela en lui, cette jalousie blâmable, hein, est proscrite, celui-là, sa foi, elle est faible. Sa foi est faible. Par preuve de ce hadith, parce qu'il stipule qu'aucun d'entre vous ne croira tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Aucun d'entre vous ne croira. Et là, le fait de croire, c'est ne croira d'une foi complète. Hein, la foi véritable. طيب. قال تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. Donc dans le sens il dit jalousent-ils les gens, ont-ils de la jalousie pour ce que Allah a donné aux gens comme bien, comme mérite, et nous avons certes donné à la famille d'Ibrahim le livre et la sagesse, et nous leur avons accordé un royaume immense, c'est-à-dire sa descendance, un royaume immense. Wa qablaha qala ta'ala am lahum nasibun min al-mulk fa idhan ma ya'tuna an-nas naqira. Donc dans le sens, possède-t-il une partie du pouvoir? Il ne donnerait donc rien aux gens, ne serait-ce le creux de noyau d'une date. Wa qala ta'ala unzur kayfa faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Et regarde comme nous avons préféré certains sur d'autres, hein, et que l'au-delà est de plus grand degré et de plus grand mérite. Tels sont les messagers, et nous en avons préféré certains à d'autres. Donc là, c'est versé pour dire quoi? Que Allah subhanahu wa ta'ala peut apporter de son mérite à des gens plus qu'à d'autres. Cela de par sa sagesse, de son décret. Et qu'il ne convient à personne, d'accord, il ne convient à personne de jalouser qui que ce soit pour ce que Allah subhanahu wa ta'ala aurait pu attribuer à ses serviteurs comme subsistance, ou comme science, ou ainsi de suite. Et comme le prouve le verset, que si jamais certains avaient obtenu ces biens, ils n'en auraient fait profiter à personne. Ils n'auraient rien donné, ils auraient été avares et cupides du bien qu'Allah leur aurait donné, comme il le dit dans le sens. Hein, ils ne donneraient donc rien aux gens, ne serait-ce le creux du noyau d'une date. Non. فَيُسْتَحَبُّ لَكَ الْمُسَابَقَةُ إِلَى الْخَيْرَاتِ الَّتِي يُسَمِّيهَا أَهْلُ الْعِلْمِ الْغِبْطَةُ قَالَ تَعَالَى فِي ذَلِكَ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وقال تعالى فاستبقوا الخيرات وقال سابقوا لمغفرة من ربكم وجنات عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم والله ذو الفضل العظيم. Donc il est recommandé pour toi, hein, de te concurrencer et d'entrer en compétition pour les bonnes œuvres. Celles que les gens de science ont nommées al-ribta, c'est-à-dire l'envie, la convoitise. Quand tu convoites le bien et que tu en as envie. Et comme Allah dans le sens dit, ceux qui la convoitent entrent en compétition. Hein? Ceux qui la convoitent entrent en compétition. Et dans le sens, il dit, fastabiqul khayrat. Et devancez-vous dans le bien. Concurrencez-vous dans le bien. Et qu'Allah Ta'ala, سَابِقُوا لِمَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّاتٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. Donc, accourez, devancez-vous les uns les autres vers un pardon de votre Seigneur et un paradis dont la largeur est aussi comparable à celle des cieux, à celle du ciel et de la terre, préparé pour ceux qui ont cru en Allah et en ses messagers. Telle est la grâce d'Allah qui donne à qui il veut, et Allah est certes détenteur d'une grâce immense. في قوله يؤته من يشاء. أنت تقترض على فضل الله فليعلم أنه من ضعف الإيمان كونه ما يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Donc il dit dans la parole, dans Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens, il la donne à qui il veut, c'est-à-dire sa grâce. Il la donne à qui il veut. Et toi, te viendra-t-il, hein, te viendra-t-il à contester ce que Allah a donné comme grâce, et celui qui est, tel est son cas, et celui qui est, celui dont tel est le cas, il faut savoir que son, sa foi est basse, du fait qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Car si Allah subhanahu wa ta'ala donne une grâce à quelqu'un, alors le muslim, celui qui est doté d'une foi complète, le muslim muni d'une foi complète, aime cela, car il aimerait l'avoir pour lui-même et le souhaiterait pour les autres. هل تحب لنفسك أن تحفظ القرآن؟ Est-ce que tu aimes pour toi-même le fait d'avoir mémorisé le Coran? حب لأخيك كذلك. Donc aime cela pour ton frère également. تحب لنفسك أن تكون سنيا على جادة. Est-ce que tu aimes pour toi-même d'être un sunni, c'est-à-dire un salafi, hein, sur la voie droite? على كتاب الله والسنة والاستقامة. Hein, basé sur le livre d'Allah et sur la sunna et sur la droiture. حب للمسلمين ذلك واجتهد في الإيصال الخير إليهم. Donc il dit, il faut que tu aimes cela également pour les musulmans et que tu t'efforces de leur faire parvenir ce bien, hein, par les moyens qui sont à ta portée, que tu leur fasses parvenir les moyens de pouvoir être comme cela également. وإياك أن تميع الناس وأن تفسد في أقوالك وأفعالك فتكون ما أحببت لهم الخير والله يقول وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. Donc il dit, prends garde à ce que tu ne rabolisses les gens, hein, que tu les liquifies. Le fait de mayyir, yumayyiru, c'est le fait de ramollir une chose. Après que celle-ci ait été dure, tu la rends molle, tu la liquifies. Et que tu corromps par tes paroles, dans tes paroles et dans tes actes. Donc en agissant de la sorte, tu n'auras pas aimé pour eux le bien. En étant de la sorte, tu n'auras pas aimé pour eux le bien. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens, il dit, et faites le bien afin que vous réussissiez. Et faites le bien afin que vous réussissiez. فهذا الحديث من أدلة أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص وأنه فيه كمال وناقص فيه كامل وناقص. Donc il dit, ce hadith également parmi les preuves chez les gens de la sunna, que la foi augmente et se réduit. Hein? Et qu'il y a une foi parfaite, complète, comme il y a une foi réduite également. Pourquoi? Comme nous l'avons dit, la yu'minu ahadukum. Voyez, que ne croira pas réellement ou complètement celui, qu'aucun d'entre vous ne croira complètement ou véritablement. Cela démontre que la foi peut être kamil, l'iman kamil peut être complet, comme il peut être réduit, et cela par les péchés et les désobéissances, et que l'hymen peut monter par la science et par les actes d'adoration et par la droiture. Non. وَقَوْلُهُ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ. Donc dans sa parole, qu'aucun d'entre vous ne croira tant qu'il n'aimera pas, c'est-à-dire pour son frère, ce qu'il aime pour lui-même. عَامْ فِي الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْجِنِّ وَالْإِنْسِ فالمؤمنون من الجن يحبوا المؤمن من الإنس والعكس أيضا قال تعالى إنما المؤمنون إخوة وقال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. Donc il dit cela est général, que aucun d'entre vous ne croira tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Cela concerne les hommes comme les femmes, les djinns comme les humains, hein, que les croyants parmi les djinns aime cela pour les croyants parmi les humains. Et également le contraire, et l'inverse. D'accord? Que les croyants parmi les humains aiment cela également pour les djinns. Et que les hommes aiment pour les femmes. Et que les femmes aiment pour les hommes. Dans ce qui leur revient de droit, bien sûr. Et Allah, dans le sens, il dit que les croyants sont juste des frères entre eux, les uns les autres. Et il dit dans le sens que les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. فَإِصَالُ الْخَيْلِ إِلَى النَّاسِ مِنَ الْإِيمَانِ. Donc le fait de faire parvenir le bien aux gens, cela fait partie de la foi. وَلَا تَظُنْ أَنَّ مَا يَقُومُ بِهِ الْإِنسَانُ مِنَ الدَّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ وَمِنَ التَّعْلِيمِ إِنْ صَدَقَ مَعَ اللَّهِ أَنَّهُ يَذْهَبُ سَدًّا. Et ne pense pas que ce que la personne entreprend comme da'wa pour Allah subhanahu wa ta'ala, comme enseignement, par exemple, par les enseignements qui pourraient les enseignements qui pourraient dispenser aux gens, s'il est véridique, ne pense pas que cela partira vainement. Wen lam yastajib laka ahadun. Et même si personne ne te répond, hein, même si personne ne répond à cette da'wa, ne pense pas que celle-ci est vaine. Fa anta ma'jour. Car toi, tu en tires récompense. Tu en seras récompensé et rétribué dans le bien. Qala ta'ala, wa ma taf'alu min khayrin ya'lamu Allah. Et ce que vous faites comme bien, Allah le sait. فبعض الأنبياء عليهم السلام كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه استجاب له أناس وبعضهم ما استجيب له إلا واحد وما استجاب له إلا واحد وبعضهم لم يستجب له أحد. Donc certains prophètes, hein, عليه السلام, comme cela a été rapporté dans الصحيحين, dans les deux authentiques, Bukhari ou Muslim, selon le hadith de Anas ou le hadith d'Ibn Abbas, selon le hadith d'Ibn Abbas que certains prophètes ont eu réponse dans leur darwa, que les gens leur ont répondu, hein, que les gens leur ont répondu et les ont suivis. Et d'autres n'ont eu de réponse que d'une seule personne. Et d'autres n'ont eu de réponse de personne, n'ont eu aucun suiveur. D'accord ? Certains n'ont eu aucun suiveur. Donc de là, il faut savoir que la darwa en soi, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, n'est pas celle qui a le plus de gens, le plus de suiveurs. Cela n'est pas vrai. Cela n'est pas une preuve que celle-ci est véritable. Pourquoi ? Qui aurait donc une meilleure da'wah que celle d'un prophète ? Personne. Cela n'existe pas. Et pourtant, comme le prouve le hadith, rapporté dans le Sahihain, que hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu des anbiya, que certains ont eu un certain nombre de suiveurs, d'autres en ont eu peu, et d'autres n'en ont eu aucun. Bon, va-t-on dire que le fait que le prophète n'a pas eu de suivi, de suiveurs, cela prouve que sa darwa était vaine et que celle-ci était mauvaise? Cela est impossible. D'accord? Cela est impossible. Donc, on va dire que la vérité ne se base pas, la vérité n'est pas basée sur la multitude de suiveurs. Cela n'est pas vrai. Cela est une idéologie démocratique et pas islamique. Cependant, si celle-ci se voit avoir beaucoup de suiveurs, alors, alhamdoulilah, c'est un khayr. S'il y a une multitude de gens sur la vérité, cela est un bien. Il n'y a pas de problème là-dessus. Cependant, ne pas se baser sur la quantité et la multitude pour dire qu'un tel est meilleur, pourquoi? Car il a plus de suiveurs. Cela n'est pas vrai. Cela n'est pas vrai. وَقَوْلُهُ لَا يُؤْمِنُ وَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِيَخِهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ. Et sa parole, toujours le hadith, qu'aucun d'entre vous ne croira tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. لَا شَكَّ يَا إِخْوَانَ أَنَّ هَذَا غَايَةٌ فِي الْمَحَبَّةِ وَغَايَةٌ فِي الْحِرْصِ عَلَى الْخَيْرِ. فَمَا الْجَمْعُ بين هذا الحديث وبين قوله تعالى فلا تذم نفسك عليم حسرات. الجمع أن الإنسان إذا أحب لنفسه ولغيره الخير ما تذهب نفسه خسرات وحسرات إنما يعمل بالسبب ولا يتنازل عن الحق ولا عن السنة من أجل فلان أو علان. Donc il dit, il ne fait aucun doute, oh les frères, que cela, c'est-à-dire le fait d'aimer pour les autres, parmi nos frères en islam, que l'on aime pour eux, ce que l'on aime pour nous-mêmes, que cela est l'apogée et le summum de l'amour, hein, et du souci porté dans le bien, l'importance que l'on donne au bien. Cela est le summum, cela est l'apogée et le plus haut niveau. Donc comment lier entre ce hadith et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, où il dit dans le sens, hein, et que ton âme ne se répande pas en regret pour eux, du fait qu'il n'ait pas répondu à l'appel, par exemple. Il n'y a aucun regret à avoir. Donc le lien, la jonction entre les deux, c'est que la personne, si elle aime pour elle-même ce qu'elle aime pour les autres, comme bien, qu'il n'ait aucun regret à avoir, que lui, il n'agisse qu'en fonction des causes, qu'il ne prenne que les causes, hein, et qu'il ne fasse aucune concession dans la vérité, ni de la sunna, qu'il ne délaisse rien de la vérité, ni de la sunna, en vue de complaire ou de plaire à un tel, d'accord? Par exemple, demain, Toi, tu as fait toutes les causes, par exemple, pour appeler les gens au bien, et ceux-ci ne t'ont pas répondu. Toi, tu n'as aucun regret à avoir et te dire si j'avais agi de telle sorte ou de telle sorte, ou si jamais j'avais fait ceci ou cela, ou si seulement j'avais délaissé ceci ou cela. Cela ne rentre pas là-dedans. Pourquoi ? Car toi, il ne t'est demandé que de faire les causes réelles et légiférées pour appeler les gens. Et si ceux-ci ne te répondent pas, tu n'as aucun regret à avoir. Hein ? Il n'a pas aucune concession en religion en vue de plaire aux gens. Tu n'as pas à délaisser des sunnahs, hein, et à délaisser la vérité pour attirer les gens vers toi. Donc il n'y a pas de regret à avoir. Innama alaykal balagh mubin. Hein, il ne t'incombe que de retransmettre de façon claire. Si toi tu as fait les causes légiférées réelles et que les gens ne te répondent pas, il n'y a aucun blâme sur toi et aucun regret à avoir. Car ta récompense incombe à Allah subhanahu wa ta'ala et pas aux gens. Donc il n'y a pas à se dire j'aurais peut-être dû faire ceci ou cela pour attirer les gens vers toi. Wali'azu billah. Cette voie-là n'est pas la voie des anbiya, ce n'est pas la voie des prophètes. Et nous voyons aussi cela aujourd'hui chez beaucoup de gens qui cherchent à plaire aux gens pour avoir une multitude de suiveurs. Ils viennent avec des procédés non légiférés, des choses nouvelles en religion. Pourquoi ? Pour plaire aux gens. Ils vous font des scènes théâtrales, ils vous font des tournois de football, ils vous font des rencontres avec des dîners, ils vous font un tas de choses que les prophètes n'ont pas fait avant eux, en vue de quoi ? D'attirer les gens vers eux. Et lorsqu'on leur dit que ces voies-là ne sont pas légiférées, ils disent oui, mais les gens, ils aiment ça. On n'est pas là pour aimer les gens. Hein, on n'est pas là pour faire aimer les gens, on est là pour que Allah subhanahu wa ta'ala agrée nos actes. Tel est le but d'en tirer la récompense. Telle est la darwa. Hein, et on n'est pas là non plus pour en tirer salaire. De se servir de la darwa, se servir de la science pour tirer un salaire. Nous sommes là pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il le veut, comme il l'a décrété, selon l'enseignement de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il n'y a pas de concession à faire aux religions pour plaire aux gens. Quand Allah Ta'ala, kullu nafsin bima kasabat rahina, et chaque âme sera rétribuée en fonction de ce qu'elle a accompli. Quand Allah, faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara, wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Donc dans le sens, celui qui commet ou qui accomplit du bien ne serait-ce qu'un atome, le verra. Et celui qui commet du mal ne serait-ce qu'un atome, le verra. Donc quel que soit l'acte commis, l'acte accompli, Allah subhanahu wa ta'ala le voit et le compte. Et le yom la qiyama, celui-ci apparaîtra. Et également pour le mal. Celui qui commet un acte de mal, qu'il soit aussi petit qu'il soit, hein, il le verra yom la qiyama. Donc dans sa parole, toujours dans le hadith, ma yuhibbu li nafsihi, hein, qu'il aime pour lui-même ce qu'il aime pour les autres. Yadullu ala anna l'insana yuhibbu li nafsihi le khayr. وأن الذي ما يحب النفس الخير هذا قد تنازل عن طريق البشرية ما هو على طريقة البشر فعادة للبشر يحبون لأنفسهم الخير بل حتى البواشي تحب نفسها الخير تجد البقرة تحب أن تأكل من العلف الطيب تحب لنفسها الخير فضلا عن بني آدم. Donc cela prouve que l'individu, la personne, aime pour lui-même le bien. Hein, que l'homme aime pour lui-même le bien, pour sa propre personne. Et que celui qui n'aime pas pour lui-même le bien, qui aime se faire du mal, hein, lui n'est pas sur la voie, on va dire, sur le suivi des humains. Sur l'humanisme, comme on dirait. Il n'est pas sur cela. Car l'origine, c'est que les gens aiment pour eux-mêmes le bien. Les gens aiment pour eux-mêmes le bien. Même le bétail, les animaux, tu vois les animaux qui aiment pour eux-mêmes le bien. Par exemple, tu vois la vache aime manger de la bonne verdure, du bon pâturage. Donc elle aime pour elle-même le bien. Cette vache aime pour elle-même le bien. Alors que dire des fils d'Adam ? Hein, que dire des fils d'Adam ? ولكن يا أخي بعضهم يحب لنفسه دخانا ويحب له الشمة وآخر يحب التخزين. هل هذا خير أنت الآن ما أحببت الخير لنفسك إلا لا طيب أنت الآن ما أحببت الخير لا لنفسك ولا لغيرك لو أتيت بقوم الشم إلى بكرة ما كانته بل قد رأينا بعيوننا بعض المواشي لو رأت بصاقا من شم بين الماء لا تشربه. Donc il dit, oh mon frère, cependant mon frère, certaines personnes aime pour elle-même la cigarette. Ou la chamma. La chamma, on avait dit, c'est une forme de drogue qui se mâche. Ou qu'il aime pour lui-même le fait de mâcher du kot. Cette drogue qui est en herbe, comme nous avons déjà parlé, nous en avons déjà parlé, c'est une herbe qui se mâche également. On trouve beaucoup au Yémen, à Djibouti, au Somalie, en Somalie, et ainsi de suite. Donc, est-ce que celui-ci aime le bien? Non. Lui, il voit cela comme un bien, cela lui donne un plaisir, seulement cela n'est pas un bien. Il n'aime pas le bien pour lui-même. Hein? Donc, lui qui agit de la sorte, si tu agis de la sorte, tu n'aimes ni pour toi le bien, ni pour les autres. Par exemple, tu apporterais cette chamma à une vache, celle-ci ne la mangerait pas. Belle, plutôt, nous avons même vu, nous disons même, que nous avons vu de nos propres yeux, genre un rejet de chamma, comme un crachat, c'est-à-dire le chamma, c'est un truc qui se mâche, et ensuite qui se crache, comme le tabac à mâcher, par exemple, tu le recraches par la suite. Si un animal, vous voyez, se crachat dans l'eau qu'elle boit, cette bête ne buvrait pas de cette eau-là. وَمِنْ مَحَبَّةِ الْخَيْلِ الْمُسْلِمِينَ تَعْلِيمُهُمْ وَدَوَاتُهُمْ إِلَى الْحَقِّ. Et également parmi l'amour du bien pour les musulmans, leur enseigner et leur faire l'appel vers la vérité. وَيِبْعَادُهُمْ عَنِ الشِّرْكِيَاتِ وَعَنِ الْبِدَعْ وَالْخُرَافَاتِ وَلَوْ غَضِبُوا فَمَعْنَهُ أَنَّ أَهْلَ السُّنَّةِ أَحْسَنُوا إِلَيْهِمْ أَكْثَرَ مِمَّا أَحْسَنُوا إِلَى أَنفُسِهِمْ. Donc il dit le fait également de les éloigner du shirk, des actes d'association et des innovations et des mythes, hein, des histoires inventées. Même si cela les irrite, même si des gens cela les irrite, hein, cela veut dire que les gens de la sunna auront été plus bienfaisants envers eux-mêmes que ces gens-là. C'est-à-dire que les gens de la sunna auront été plus bienfaisants envers ces personnes-là que eux-mêmes envers leur propre personne. Que eux-mêmes envers leur propre personne. Le fait d'appeler les gens au bien et de les éloigner du mal, des innovations, des mythes et ainsi de suite, comme tel est le comportement des gens de la sunna, cela démontre qu'ils sont plus bienfaisants vers les gens que les gens envers eux-mêmes. ورحم الله يوسف بن أسباط حيث قال أنا خير لهؤلاء من أبائهم وأمهاتهم أنا أنهى الناس أن يعملوا بما أحدثوا فتتبعهم أوزارهم ومن أطراهم كان أضر عليهم. Donc qu'Allah fasse miséricorde à Yusuf ibn Asbat, du fait qu'il ait dit, je suis meilleur pour cela, c'est-à-dire pour les gens qui ont innové, les têtes prédicateurs à l'innovation, que leur père et leur mère. Car moi, j'interdis les gens d'agir en fonction de ce que ces gens ont innové ou apporté comme innovation. J'interdis les gens de les suivre, afin que ces derniers ne portent pas leur fardeau, yom el qiyama. Hein? Et que ceux qui auront exagéré dans leur personne, qui les auront élevés au-dessus de leur niveau, que ces gens-là, yom la qiyama, seront nuisibles pour eux, car ils porteront leur fardeau. وأكد في ترجمات الحسن مصالح بن حي في تأذيب وصدق رحمه الله تعالى فإن أهل السنة وأئمة جرح وتعديل خير للعصاة والمبتدعة بآبائهم لأن بيانهم ذلك فيه تخفيف عن هؤلاء الضلال فإنها كلما كثر تابعهم على البدع والمنكرات تحمل المبتدعون وزر ذلك لقول الله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة من أوزار الذين يدلونهم بغير علم على ساء ما يزرون. Donc il dit également ce qui a été apporté dans la biographie d'Al-Hassan ibn Salih ibn Hayy, dans le livre Al-Tahdhib, qu'il a dit vrai, qu'Allah lui fasse miséricorde, lorsqu'il dit que les gens de la Sunna et les imams du Jarh wa Ta'dil sont meilleurs pour les gens désobéissants et les innovateurs que leur propre père. Car le fait qu'ils éclaircissent les erreurs des gens, cela minimise leur égarement pour eux-mêmes. Car plus augmente le nombre de leurs suiveurs, c'est-à-dire les suiveurs des innovateurs, dans leurs innovations et leurs actes blâmables, hein, et plus cela minimise, plutôt plus leurs suiveurs sont nombreux, et plus porteront de fardeau, hein, le jour du jugement. Cela par preuve de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, où il dit, dans le sens, et qu'ils portent leur fardeau complètement, hein, entièrement leur fardeau, le jour du jugement, ainsi que du fardeau de ceux qu'ils auront égaré sans science. Et quelle mauvaise chose, qu'ils transportent. Donc par là, s'achève le char de notre shir, par rapport à ce hadith. Et également, il a été apporté un hadith de Abdullah ibn Amr, chez l'imam muslim, qui dit, où il dit, sallallahu alayhi wa sallam, وَيَتِيلَ النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُتَيْ إِلَيْهِ. C'est-à-dire, parmi les choses qui éloignent du feu et qui vont entrer au paradis, dans le début du hadith, que le fait de se comporter avec les gens, comme on aimerait que l'on se comporte avec nous. Cela rend dans ce hadith, que tu aimes pour les autres, ce que tu aimes pour toi-même. Que tu aimes pour les autres, ce que tu aimes pour toi-même. Et même chez les koufars, hein, cela est connu, que ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse. Ce hadith implique, du moins que l'on aime pour nos frères, ce que l'on aime pour nous-mêmes, cela implique que l'on déteste pour eux, ce que l'on déteste pour nous-mêmes. D'accord ? Que l'on déteste pour eux, ce que l'on déteste pour nous-mêmes. Si un frère musulman voit un khayr, vit un khayr, d'accord ? Parmi la kamel imanihi, parmi le fait que son iman soit plus parfait, plus complet, qu'il le souhaite pour les autres, et s'il en a les moyens, qu'il y appelle. Qu'il y appelle. C'est pour ça que les gens de la sunna, comme cela a été cité précédemment, appellent les gens au suivi de la salafiyya pour le bien que celle-ci contient, pour le baraka que celle-ci contient. Cela n'est pas un appel pour un hizbiyya, hein, pour un esprit de parti. Cela est un appel pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela rentre également dans le hadith « Adinu al-Nasiha » que la religion c'est « Nasiha ». Pourquoi ? Car dans ce hadith, nous avons dit pourquoi ? Lillah wa li kitabihi wa li aimmatil muslimin. Ou lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li aimmatil muslimin wa li amatihim. Que cette nasiha, elle se fait pour les gouverneurs, après Allah et son livre et son messager, pour les gouverneurs et également pour les gouvernés, pour la masse des gens de l'islam. Et dans le hadith concerné, nous avons expliqué que c'était pour eux aimer le bien. Aimer le bien pour eux, les appeler au bien, leur ordonner le convenable et leur interdire le blâmable. Et cela se lie à ce hadith, que l'on aime pour eux ce que l'on aime pour nous-mêmes. Si le salafi voit, se sent bien en lui, dans sa foi, dans son être, dans sa religion, alors qu'il aime cela pour les autres et qu'il y appelle. Et que si les gens ne répondent pas, qu'il n'a aucun regret à avoir s'il a suivi les causes légiférées. Il n'y a aucun regret à avoir, d'accord ? Aucun regret à avoir que tu interdisent le blâmable et que tu appelles au convenable. Et de là, se basant sur ce hadith et bien d'autres, c'est pour ça que nous, les frères, nous insistons énormément sur le fait d'appeler nos frères et nos sœurs à sortir du pays de mécréants et à aller vivre chez le pays des musulmans pour le bien que nous avons vu nous-mêmes de nos propres yeux, pour ce que nous ressentons comme liberté et comme fierté et comme éloignement de nos ennemis. Nous avons de cesse d'appeler à cela. Hein, également nous basant sur ce hadith, car nous aimons pour eux ce que nous aimons pour nous-mêmes. Allah nous a facilité une hijra et nous demandons qu'il nous la fernisse et qu'il ne nous renvoie pas chez nos ennemis. Enfin, nous l'aimons également pour nos frères et nos sœurs, qu'ils quittent ces pays. Pourquoi ? Pour leur bien, pour leur religion et pour leur être en ce bas monde dans l'au-delà. Cela n'est qu'un bien. Nous n'avons aucun gain en ce bas monde à tirer. Cela n'est pas un commerce. Cela ne nous apporte rien si ce n'est une récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et même si des gens nous en veulent pour cela, car nous faisons obstacle à leur convoitise et à leur dessein du fait qu'ils veulent tirer des biens des gens de ce bas monde par leurs associations ou par leur demande de dons pour leur mosquée ou je ne sais quoi d'autre, ils nous voient, nous, conseiller les gens à ne pas suivre cette voie-là, ils nous en veulent. C'est-à-dire qu'ils nous en veulent. Mais du fait que nous n'avons fait que suivre l'épreuve, nous n'avons aucun regret à avoir. Et que celui qui appelle au bien sera forcément éprouvé et aura des ennemis. Les prophètes, alayhi salam, ont eu des ennemis parmi les djinns et les ils, parmi les hommes et les djinns. Donc nous, à plus forte raison, nous allons également en avoir. Cette darwa aura des ennemis. Elle sera jalousée également. Car les gens voient le bien qui en elle. Et les jaloux de cette darwa, cela demande quoi ? Le bas niveau de leur foi. Car ils n'aiment pas pour les gens ce bien. Ils savent qu'il y a un bien, mais ne veulent pas que les gens l'obtiennent. Ils n'aiment pas pour les gens le bien. Donc, à tirer leçon de ce hadith, d'aimer pour nos frères, ainsi que pour nos sœurs, ce que nous aimons pour nous-mêmes. Même pour le kafir, même pour le mécréant, nous aimons pour lui qu'il soit guidé. Cependant, aimer pour le guidé ne veut pas dire qu'on l'aime lui. Dans lui, on le déteste pour Allah subhanahu wa ta'ala. Cependant, demain, on voit un kafir qui entre en islam, cela nous apporte une grande joie. Il n'y a pas un muslim qui ne s'en réjouit pas. Nous-mêmes, pour beaucoup d'entre nous étions des koufars, des mécréants. Allah nous a guidés à l'islam. Donc ce bien que nous avons reçu, nous le voulons pour les autres également. Cependant, cela revient à Allah. إِنَّكَ لَتَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. Tu ne guides pas qui tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Donc nous prenons les causes, le suivi authentique pour le retransmettre, et c'est Allah à qui revient le résultat, pas à nous. Si un tel a été appelé et ne s'est pas soumis, ne s'est pas converti, il n'y a aucun grief sur toi, aucun blâme sur toi si tu as bien fait les choses, à ton niveau. Donc de là s'achève le hadith, l'explication de ce hadith qui est « La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi » Qu'aucun d'entre vous ne croira vraiment tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Fa naktafi biyad al-qadr wa nakul alhamdulillahi rabbil alamin.